Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Faites sauter les banques », une série de Rémi Dibowski-Douat, réalisée par Assia Ralid. Au départ de cette série, il y a de la méfiance pour des banques qui semblent toujours plus riches et de l'inquiétude face aux crises boursières ou aux affaires scandaleuses. Et il y a cette sensation de se faire plumer alors que sur la pente de la précarité, le guichetier est le prochain sur la liste. Alors pour commencer, les personnages. Des conseillers déprimés, des guichetiers en berne, des syndiqués qui s'accrochent, des banquiers devenus commerciaux et un psychologue devenu banquier. Ensuite, le décor. La Savoie, des agences qui ferment, des robots, de la violence psychologique, la pression, un atelier d'ébénisterie, le dégoût et des bonnes nouvelles qui ressemblent un peu à des mauvaises. Aujourd'hui, 3e épisode, on pousse la porte de l'agence. La source principale de création monétaire aujourd'hui, c'est l'endettement. C'est-à-dire que quand je vais aller voir ma banque pour faire un crédit, elle va immédiatement créditer mon compte chèque et il va y avoir une création de monnaie. Il y a un conflit intérieur chez les salariés de la banque entre ce qu'ils souhaitent faire, être le vrai conseiller de clientèle, et puis ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire de vendre tel et tel et tel produit, parce que ce sont ces produits-là que l'entreprise a envie de vendre, parce que la marge est certainement plus importante. C'est très difficile à vivre pour les salariés, parce qu'en plus, vous ne pouvez évidemment pas en parler aux clients. Le Crédit Mutuel vend des téléphones, mais également des badges pour les personnes âgées, pour mettre autour du cou, pour si elles tombent chez elles avec un abonnement. On vend des détecteurs pour retrouver les animaux quand ils sont égarés. Vous êtes là pour vendre du produit, et entre nous, on dit généralement pour fourguer du produit. On vend également des voitures. Moi, je me demande à quand on va faire la révision, mais pour l'instant, visiblement, c'est pas d'actualité. Quoi d'autre ? Et quand je vais rembourser ma banque, il va y avoir une destruction de monnaie. La banque du futur, c'est plutôt un kiosque dans lequel vous rentrez dans un environnement, ça peut être chez vous, mais ça peut être ailleurs. Et quand vous y entrez, vous avez devant vous un écran qui vous permet d'avoir un échange totalement vocal. Il n'y a plus de clavier, etc. Donc le seul moyen d'échange, c'est par la voix. C'est aussi par votre visage. Si vous êtes content, pas content, le système va le détecter. Il va y réagir en fonction. Vous allez sélectionner des options en vous déplaçant avec les bras, avec le geste. Et puis après, vous aurez un agent virtuel quelque part dans l'écran avec qui vous allez interagir, comme on est juste en train de discuter en ce moment. Quoi ça sert ? Pour moi, le banquier, il est de par son métier, bien sûr, un homme d'argent, mais un homme d'argent qui est lié à tous les pans de la société. C'est comme ça que je suis devenu banquier, entre guillemets, et j'ai du mal à écrire le mot sans mettre les guillemets d'ailleurs autour. Banque à guichet fermé, une évolution du métier de banquier. Rémi Douat, Assia Ralid. Valérie Lefebvre-Haussmann, je suis aujourd'hui secrétaire générale de la fédération CGT Banque Assurance. Je suis salariée de la Caisse d'épargne Île-de-France depuis 1986. En tant que conseillère clientèle ? Oui, enfin, ça a changé de nom. À chaque fois qu'il y a eu une réorganisation, ils nous ont changé l'intitulé de l'emploi. Mais en clair, oui, j'étais en agence. J'avais un portefeuille clientèle, essentiellement de clientèle un peu en difficulté quand même. D'abord parce que j'aimais bien ça, d'essayer d'aider les gens à retrouver un équilibre financier. Donc c'était un peu compliqué pour vendre des produits financiers qui ont commencé à se vendre à l'époque, à savoir le crédit revolving. En fait, j'en ai pas vendu du tout. Voilà. Mais pas du tout. J'ai été convoquée par mon supérieur hiérarchique pour me dire je vais t'envoyer en formation une semaine chez CTLM, puisqu'à l'époque, on sous-traitait, on vendait les produits CTLM pour le crédit revolving. Et je lui ai dit, tu peux m'envoyer 2 mois si tu veux, c'est justement parce que je connais le produit que je ne veux pas le vendre. Donc, il a abandonné l'idée. Bon, j'ai pas eu de promotion derrière, hein, pas d'évolution de carrière, bien évidemment, mais du fait aussi que j'ai toujours eu des mandats de représentation du personnel dans l'entreprise, il me laissait un peu tranquille de ce côté-là. Et j'ai jamais voulu vendre des produits pour lesquels je pensais que ça pouvait mettre en difficulté les clientèles que je suivais, ou un peu contre mon éthique. Par exemple, tout au début, quand on a commencé à faire des opérations de compte-titres, il était hors de question que je propose de tels produits ou que je conseille les clients quand souvent ils nous demandent qu'est-ce que vous pensez de telle action ou telle boîte. C'est pas mon boulot. Voilà. Pourquoi vous vouliez pas le faire? Parce que d'abord, les produits boursiers, c'est de la spéculation. Enfin, il y avait un risque quand même de se dire je vous conseille d'acheter ça et puis que l'action se casse la figure et que on mette en difficulté les clients, quoi. Mais vous êtes sûr de bien avoir choisi votre orientation? Mais en fait, je suis rentrée à la caisse d'épargne, moi, un établissement de crédit à but non lucratif, une association de loi de 1901. Je suis pas rentrée à la BNP ou à la Société Générale qui sont des banques capitalistiques, comme on l'entend, qui vendent des produits boursiers, etc. Moi, quand je suis rentrée en 86, on vendait pas de produits boursiers. On avait le livret, le compte chèque datait de 83 pour les caisses d'épargne. On commençait à faire les crédits immobiliers, les crédits à la consommation, mais on n'avait pas une activité de banque comme on l'entend aujourd'hui, quoi. Donc moi, je suis rentrée vraiment à la caisse d'épargne, qui avait un rôle social, qui aidait les clients. Je me souviens, on aidait les clients à remplir leur déclaration de revenus. Enfin, voilà, on avait un rôle social aussi, qu'on a très vite perdu avec le temps. Et puis, quand le statut des caisses d'épargne a changé en 99, on a pris un virage complètement à 180 degrés, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé en 99? Tout. D'abord, on est passé d'établissements de crédit à but non lucratif à des sociétés anonymes coopératives qui ont permis de développer, là je parle, c'est le discours qu'on nous tenait, hein, de développer les caisses d'épargne au national, puis après vers l'international. Ce qui fait qu'on est allé sur des marchés qu'on connaissait pas. On a racheté une filiale de la CDC qui se cassait la figure, mais comme... Caisse des dépôts et consignations. À l'époque, ça s'appelait CDC X6. On n'y connaissait rien, enfin nos patrons non plus. Les patrons des caisses d'épargne à l'époque avaient fait leur cursus professionnel dans les caisses d'épargne. Donc ils ont connu la même évolution que nous. On n'y connaissait pas suffisamment et on s'est cassé la figure. Et alors après, il y a eu la création en 2008, de mémoire, du groupe BPCE, où là on nous a demandé de vendre les actions d'Natixis à 20 euros la part. Aujourd'hui, elle est à 3 et quelques, non? Je sais plus. Je n'ai pas regardé dernièrement, mais c'est une catastrophe, quoi. Donc moi, j'avais quitté le réseau commercial et j'étais à la formation. On nous avait demandé d'aller en renfort dans les agences pour aider les collègues à vendre les actions d'Natixis. J'ai refusé à l'époque, encore. J'ai bien eu raison, hein, parce qu'après, les collègues en agence, ils ont dû faire face au mécontentement des clients pour lesquels, pour certains, c'était toutes les économies d'une vie qui ont été placées là-dedans et ils ont tout perdu, quoi. C'est un peu limite, quand même. L'odeur du large, pour que vos prochaines vacances soient encore plus agréables, encore plus réussies, faites fructifier votre argent dans un compte sur livret Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais, plus de 2 millions de clients. Valérie Missilier, je suis chargée de clientèle particulier au Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc, donc en Haute-Savoie, et je suis membre de la fédération CGT Banque Assurance. Ça fait 15 ans que je travaille, dont 8 ans au Crédit Mutuel. Est-ce que c'est un métier que vous avez choisi ? Oui, c'est un métier que j'ai choisi. J'ai choisi de travailler dans une banque, et plus particulièrement au Crédit Mutuel, pour le côté mutualiste de cette banque. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? En quoi cette banque est différente, le Crédit Mutuel ? Alors, au Crédit Mutuel, le client est sociétaire, c'est-à-dire qu'à l'ouverture de compte, il prend pour 15 euros de part sociale et a droit de vote aux assemblées générales de sa caisse locale une fois par an pour l'assemblée générale. Il est donc officiellement décideur de ce qui doit se passer dans sa caisse locale de Crédit Mutuel. Et donc, alors, à l'arrivée, qu'est-ce que ça donne ? À l'arrivée, je dirais que rares sont les clients qui vont donner leur voix en assemblée générale. Les décisions sont préétablies. En fait, normalement, voilà, la décision devrait être ascendante et pas descendante. Et aujourd'hui, on a une décision qui est descendante. Est-ce que cette démocratie d'entreprise a déjà fonctionné au Crédit Mutuel ? À ses débuts, oui. Aujourd'hui, le Crédit Mutuel est devenu une banque traditionnelle comme les autres. À mon avis, le sociétariat n'est utilisé plus que comme une image pour la publicité. Alors, qu'est-ce que vous y faites dans cette banque ? Alors, mon travail, c'est de gérer et d'aider les clients, de conseiller les clients. Voilà, je suis conseillère. Donc, je suis censée conseiller les clients sur leurs prêts immobiliers, sur leurs assurances et sur leurs produits bancaires, carte bleue. Et... Sauf que les objectifs imposés par nos directions nous font malheureusement faire l'inverse. C'est-à-dire que d'un métier où on est censé conseiller et répondre aux besoins du client, on en arrive à placer des produits. Est-ce que vous pouvez dater cette évolution ? Je pense que je suis trop jeune. Moi, je suis rentrée, on commençait la commercialisation de la téléphonie mobile. Donc le groupe a investi énormément d'argent dans la téléphonie mobile, au départ en pensant que ce serait le moyen de paiement de demain. Verdict, ça n'a pas fonctionné comme il le pensait. Sauf que les investissements ont été tellement importants qu'aujourd'hui, on est obligé de vendre de la téléphonie, donc on est objectivé sur la téléphonie. On n'a pas de commission, mais on est objectivé à un certain nombre de téléphones par an, par salarié, pour rentabiliser cette activité-là. Le Crédit Mutuel vend des téléphones, mais également des badges pour les personnes âgées, pour mettre autour du cou, pour si elles tombent chez elles, avec un abonnement. On vend des détecteurs pour retrouver les animaux quand ils sont égarés. On vend également des voitures. Ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans que la direction a pris la décision de nous faire vendre des voitures. Moi, je me demande à quand on va faire la révision, mais pour l'instant, visiblement, c'est pas d'actualité. Alors, comment vous vous y prenez pour vendre une voiture ? Personnellement, j'en ai jamais vendu encore. Mais l'idée pour vendre une voiture, c'est qu'il faut anticiper le besoin du client. C'est-à-dire qu'on va réfléchir avec des statistiques de savoir que les clients vont changer de voiture tous les 4-5 ans. Donc, bien penser à lui présenter le produit, le fait qu'on peut lui négocier des voitures à tarifs plus bas que les concessionnaires traditionnels. Et quand ils viennent chercher un financement pour un véhicule, on leur explique que s'ils ne l'ont pas encore commandé, on peut peut-être regarder si c'est un véhicule neuf ou si c'est un financement de véhicule d'occasion, on leur parle du produit pour la prochaine fois. On vend toutes les marques, toutes les options, on choisit les options avec les clients, on fait tout. Et on vend l'assurance derrière. Vous vous sentez encore conseillère, clientèle ? Je me sens commerciale. Je me sens pas conseillère. On essaye. Moi, c'était mon objectif réel d'être conseillère au Crédit Mutuel et pas commerciale. Donc, j'essaye de continuer à faire mon travail dans cette optique-là, d'aider les clients, de pas leur placer des produits pour placer des produits. Donc, j'essaye de faire effectivement mon travail avec ma conscience, ce qui est pas toujours évident, mais on y arrive un petit peu quand même. Quand je suis arrivée à la formation professionnelle, j'y suis arrivée suite à un dossier de discrimination syndicale. Et j'ai informé ma hiérarchie à l'époque, donc la DRH, que j'avais quand même quelques points sur lesquels je pourrais pas aller, à savoir faire des formations pour expliquer aux collègues qu'il faut vendre. Donc moi, j'ai été orientée vers les formations pour apprendre aux collègues à se servir de l'outil de travail, mais pas des formations qui allaient à l'encontre de mon éthique. Qu'est-ce qu'il en coûte de résister à l'inflexion d'une entreprise comme la Caisse d'Épargne ? Ah ben, on n'a pas d'évolution de carrière, déjà. Moi, j'avais la chance d'être salarié protégé. Puis bon, c'était la Caisse d'Épargne, on ne licenciait pas comme ça. Aujourd'hui, ce serait peut-être un peu plus délicat. À une époque, les directeurs d'agence avaient la possibilité d'organiser le travail dans les agences en fonction, on va dire, des affinités des uns et des autres. Quelqu'un qui se sentait plus à l'aise pour vendre des crédits immobiliers, bon ben, il faisait ça un peu plus que les autres, et puis les autres faisaient le reste. On arrivait à s'organiser, entre nous. Ça se passait relativement bien et on arrivait à réaliser les objectifs généraux de l'agence. Sauf qu'après, les méthodes de management ont fait, et puis les stratégies des caisses d'épargne, ont fait que on est arrivé dans un système comme les autres. On a une fiche de poste, on doit faire tant de ventes de crédit, tant de ventes d'assurance, tant de ventes de produits financiers, etc. par personne. Il n'y a plus cette latitude de pouvoir s'organiser et de respecter un peu l'éthique de chacun. La crise financière a eu des conséquences concrètes sur le quotidien des salariés du secteur bancaire. L'un de mes contacts, un conseiller clientèle qui n'a pas souhaité s'exprimer au micro, décrit une dégradation préoccupante des conditions de travail. Avec la crise, l'image des banques s'est encore dégradée. Il a fallu assumer ça face aux clients, m'explique-t-il. Un collectif d'universitaires a réalisé une étude pour le SNB-CFE-CGC, le premier syndicat du secteur bancaire. Dans cette étude, effectuée auprès de 6000 salariés, on apprend que 4 conseillers sur 10 ont déjà eu peur physiquement sur le lieu de travail. Mais la souffrance ne vient pas seulement des clients mécontents. C'est une évolution massive des conditions de travail que décrit Régis Dos Santos, président du Syndicat National des Banques. On a relevé, alors je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, mais il y en a quelques-uns qui sont quand même intéressants. Il y a 76% des salariés du secteur bancaire qui estiment avoir une charge de travail excessive. Si on ferme des agences, on diminue évidemment le nombre de salariés, c'est quand même l'objectif premier des banques, hein, c'est de diminuer la masse salariale. La charge de travail, elle, ne diminue pas. La fréquentation est en baisse, mais la charge de travail reste la même. Et quand vous avez 6 agences et que vous réduisez la taille du groupe de 6 agences à 3 agences, voire à 2, ben, dans les 2 agences où il reste, tous les salariés des 6 agences sont pas regroupés, évidemment, hein, on profite des départs en retraite pour alléger. Vous vous retrouvez avec des équipes dans 2 agences qui doivent assumer le travail de ce que faisaient les 6 agences autrefois. Il y a également la problématique de la manière dont on fait effectuer son travail aux salariés de la banque. C'est-à-dire que entre je suis entré dans le monde de la banque pour conseiller des clients, vous savez, moi, ça fait 30 ans que je suis salarié du monde de la banque. J'en ai connu des milliers de conseillers de clientèle. Il n'y en a jamais un qui m'ait dit qu'il n'était pas là pour vendre. Ils savent très bien qu'ils sont là pour vendre. Sauf que quand on dit un conseiller de clientèle et pas un vendeur, comme disent les directions, vous avez 2 parties. Vous faites l'analyse de la situation du client et vous lui vendez des produits qui sont adaptés à la situation ou au projet que vous avez pu détecter. Quand vous êtes vendeur, vous n'êtes plus du tout dans le même état d'esprit. Vous êtes là pour vendre du produit. Et entre nous, on dit généralement pour fourguer du produit. Bon. Et ça, les gens le supportent de moins en moins. Alors les gens le supportent de moins en moins dans la génération qui sont là déjà depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais c'est encore plus vrai dans les populations qui sont entrées récemment. Où là, il y a un conflit très fort sur le plan de la déontologie personnelle entre « je suis entré dans le monde de la banque pour faire ça, ça et ça, et voilà ce qu'on me fait faire ». On voit des jeunes qui entrent dans le monde de la banque Et au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils quittent le monde de la banque et partent dans d'autres branches professionnelles parce qu'ils ne supportent plus la manière dont on leur fait faire ce métier. Et c'est vrai à l'autre bout de la pyramide des âges, avec les gens qui partent en retraite. On s'aperçoit que les gens seraient prêts à continuer. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils sont en pleine forme, ils ont envie de transmettre leur savoir aux jeunes générations et autres. Dans la plupart des cas, le jour où ils ont leur 42 annuités de cotisation, ils veulent partir. Pas parce qu'ils n'aiment pas leur métier, ils ne supportent plus la manière dont on leur fait faire le métier. Il y a une charge émotionnelle très importante là. C'est très difficile à vivre pour les salariés, parce qu'en plus, vous ne pouvez évidemment pas en parler aux clients. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'être en permanence souriant, sympathique, avenant, alors que vous savez derrière que dès que vous aurez fini l'entretien, on va vous demander alors est-ce que tu as vendu, est-ce que tu n'as pas vendu tel et tel produit. On l'a vu, les méthodes de management commercial ont atteint des niveaux dans le monde de la banque qui sont absolument délirants. Hein. On a eu un exemple avec une entreprise en Rhône-Alpes où tous les soirs, tous les salariés de l'agence étaient classés. C'est-à-dire qu'on leur disait, tiens, aujourd'hui tu es premier et hier tu étais troisième, c'est bien. Sauf qui ne savaient pas par rapport à quoi. C'est-à-dire qu'ils pouvaient être le lundi premier dans une agence, mais s'ils avaient été dans une autre agence, ils auraient peut-être été quatrième. C'est-à-dire que déterminer les objectifs, tout le monde fonctionne par objectif. Et donc, quand on vous dit « aujourd'hui, tu devais faire 100 », tu as fait 90, je sais que j'ai pas été excellent. Si j'ai fait 70, j'ai été très mauvais. Si j'ai fait 110, j'ai été bon. Mais m'entendre dire le soir, je suis premier, je suis deuxième ou troisième, mais par rapport à quoi ? Vous imaginez quand vous arrivez au travail le matin, la pression que vous avez en permanence. Autre anecdote, vous imaginez les systèmes informatiques dont dispose le monde bancaire. Hein, c'est quand même des usines très lourdes, très importantes. Et donc n'importe qui dans la pyramide décisionnelle, en appuyant sur un bouton, peut savoir ce qu'a vendu tel conseiller ou ce qu'a vendu telle agence la veille. Eh bien, il y a encore plein d'entreprises dans lesquelles on demandait, ou on demande encore, hein, dans certains cas, aux agences, aux salariés d'abord, de donner à leur directeur un tableau, Excel, papier, dans lequel ils remplissaient leurs résultats de la semaine, et où on demandait d'envoyer par fax, au niveau supérieur de décision, un tableau récapitulatif. Alors pourquoi ? Simplement parce que vous imaginez la pression que ça exerce sur vous pendant toute la semaine. Vous savez toute la semaine que vous avez ce satané tableau Excel à envoyer. Et vous imaginez le week-end que vous passez si le tableau que vous avez envoyé vendredi n'était pas bon. Et l'état d'esprit dans lequel vous êtes le lundi matin ou le mardi matin quand vous rouvrez l'agence, si le tableau que vous avez donné le vendredi n'était pas bon, quoi. Je dis toujours, quand on entre dans une agence bancaire, on n'a pas l'impression d'arriver au Far West. Hein. C'est très calme, c'est très feutré. On n'a pas idée de la violence psychologique qu'il y a lorsqu'on franchit les bureaux des conseillers ou des directeurs d'agents. Et c'est un des métiers dans lequel on a le plus de personnes absentes pour maladie, de burn-out et compagnie. Simplement, la grosse différence avec un phénomène qu'on avait connu chez France Télécom il y a quelques années, c'était la même entreprise. Et donc, évidemment, quand vous arrivez à 30 ou 35 ou 36 suicides, ça pose des questions, ça interpelle, heureusement. Dans le monde de la banque, ce sont des milliers d'agences réparties à travers le territoire, dans des entreprises différentes les unes des autres, qui communiquent pas entre elles, et pour lesquelles il n'y a évidemment pas de centralisation. Mais on sait que c'est un des métiers dans lequel il y a le plus de violence psychologique. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Alors, le Crédit Mutuel a été précurseur dans l'automatisation d'un certain nombre de tâches avec l'arrivée l'année dernière de Watson. Donc, Watson est un détecteur de ce dont on a besoin, c'est-à-dire qu'il va préparer pour nous une réponse au mail. C'est-à-dire que quand le client nous envoie un mail, Watson va détecter dans le mail le besoin du client et nous proposer une réponse. Alors, ça peut sembler pratique sur un certain nombre de points, sauf que il a remplacé pour une partie nos collègues en agence et il remplace une partie de notre travail. Et visiblement, on n'a encore pas suffisamment de recul. Quand même, ça fait qu'un an qu'il est en place. Mais pour moi, il va détruire l'emploi et détruire une partie de la relation qui est quand même de conseiller le client et de garder ce contact avec nos clients. Aujourd'hui, je vois que ça s'efface. En plus, la caractéristique de Watson, c'est qu'il apprend de ce que vous lui indiquez. Donc quelque part, vous êtes en train de former le logiciel qui peut potentiellement vous remplacer. On forme le logiciel puisqu'à chaque fois qu'on reçoit un mail, il nous fait sa proposition et on doit dire si la proposition est juste ou pas. Donc effectivement, on programme nous-mêmes l'élément qui va détruire nos emplois. À partir de là, il y a deux formules. Soit la direction de l'entreprise considère que ça permet de dégager un peu de temps commercial et ça permettra aux conseillers de clientèle d'avoir des entretiens un peu plus approfondis, un peu plus, voyez, où on se préoccupe réellement de la situation du client. Soit elles vont faire un raisonnement très comptable en disant... ça permet d'économiser, par exemple, 10%, 15% ou 20% du temps. Et si c'est 20%, on prend le nombre de conseillers de clientèle, on en supprime 20%, et puis les autres continueront à faire le travail. Nous pensons que l'avenir des agences physiques, et donc l'avenir des salariés qui y travaillent, passe par une spécialisation. C'est-à-dire que tout ce que vous avez besoin de connaître comme information technique, pratique, vous les trouvez sur Internet. Et donc, ce que viendront chercher les clients dans l'agence, c'est plus de l'information. Ils viendront demain chercher d'abord la confirmation de tout ce qu'ils ont trouvé comme information sur Internet, mais ils viendront chercher aussi du conseil, de l'expertise. Et donc, demain, les métiers de la banque vont évoluer de métiers de généralistes. Aujourd'hui, la plupart de nos collègues conseillers de clientèle aujourd'hui sont des généralistes, capables de parler des 80, 100, 120 produits qu'ils sont amenés à vendre. Il va falloir que cette population, on la transforme en une population d'experts, de spécialistes très pointus, qui travailleront soit dans des agences dédiées, une agence crédit, et puis quelques kilomètres plus loin, une agence épargne, soit évidemment par visioconférence. Des hommes et des femmes en costumes sombres se pressent au pavillon d'Armenonville, au bois de Boulogne, près de Paris. Un badge permet de les identifier. Crédit Agricole, BNP Paribas, Crédit Lyonnais, groupe BPCE. Ils sont tous là, réunis pour le Grand Prix Banque et Innovation. Les banques y rencontrent les nouvelles technologies et l'avenir du secteur s'y dessine. On y parle néobanque, e-banking, machine learning... et surtout, intelligence artificielle. Chaque année, on fait une étude sur les tendances technologiques et une de ces grandes tendances, en interviewant plus de 5000 cadres dirigeants à travers le monde, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle. Le problème d'aujourd'hui, enfin qui est plutôt l'opportunité, c'est la capacité à intégrer l'intelligence artificielle dans les entreprises. Et on verra que sur une banque, il n'y a pas beaucoup de processus qui échappent au potentiel d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et un élément qui est absolument clé, c'est le fait que quand on met en place un système d'intelligence artificielle, avec des robots ou en tout cas des interactions visuelles, et, enfin à la fois visuelles, sonores, la nouvelle image de l'entreprise et de la banque, c'est le système, c'est plus l'humain. Ne serait-ce que l'image, le look de la personne que vous allez mettre à l'écran, le type de son, le type de voix de la personne, la façon à laquelle l'outil va gérer la conversation avec le client, ça va devenir votre marketing, ça va devenir votre outil de communication, au même titre qu'un agent dans une agence. Hello, Aida. Could you tell us what you do in SEB? Hello. I work in customer service with issues related to mobile bank ID and got new customers with their first SEB interactions. Les clients aiment ça. En tout cas, la génération qui entre dans l'emploi en ce moment adore ces nouvelles technologies-là. Et c'est comme ça qu'ils veulent interagir. Les banques qui réussiront demain, c'est celles qui seront les meilleures dans l'adoption de ces nouvelles technologies-là, puisque c'est ce que leurs clients vont leur demander. Et s'ils n'ont pas ce service-là, il y aura une perte de portefeuille de clients. Do you actually listen to me now? Yes, kind of. I can understand the intent of your question and I am looking for an answer based on my training and experience. So, Aida, how would you describe yourself? I am always at work, 24/7, 365 days a year. Un exemple très concret, c'est que la banque du futur, c'est plutôt un kiosque dans lequel vous rentrez dans un environnement. Ça peut être chez vous, mais ça peut être ailleurs. Yves Bernhardt, Accenture Technologies. Et quand vous y entrez, vous avez devant vous un écran qui vous permet d'avoir un échange totalement vocal. Il n'y a plus de clavier, etc. Donc le seul moyen d'échange, c'est par la voix. C'est aussi par votre visage. Si vous êtes content, pas content, le système va le détecter. Il va y réagir en fonction. En fonction de vos mouvements, vous allez sélectionner des options en vous déplaçant avec les bras et en cliquant avec le geste. Et puis après, vous aurez un agent virtuel quelque part dans l'écran avec qui vous allez interagir, comme on est juste en train de discuter en ce moment. Et si, par mégarde, le système n'est pas capable de donner la réponse au client, sa demande immédiate, il y a un agent qui va prendre le relais sur l'agent virtuel, va répondre à la question, parce qu'il aura tout l'historique de l'échange. Et par contre, la fois d'après, l'agent virtuel sera capable d'apporter la réponse puisqu'il aura appris de l'interaction d'homme à homme. Donc l'agent va apprendre à la machine à supprimer son propre emploi. Il va apprendre à la machine pour faire des réponses à son client et lui-même, on va lui apprendre. Alors, il y a des métiers, par exemple, apprendre à ces systèmes-là, ça devient un métier. D'accord ? C'est pas juste je vais le faire une fois, c'est un nouveau métier. Donc on est dans une sorte de révolution dans laquelle on a une transformation des emplois. Et il y a beaucoup plus d'emplois à créer que d'emplois qui pourraient être amenés à disparaître. On est beaucoup plus dans la création de valeur que dans la suppression de valeur. Mais donc il faut vraiment positiver le sujet, parce que si on entretient ce type de discussion quelque part, hein, mais on les entend, hein, je comprends votre question, quelque part on crée un stress alors que le sujet est beaucoup plus positif qu'inquiétant. On n'a plus besoin des employés de banque en fait. Pas exactement. En fait, ça permet d'automatiser certains process ou de les accélérer. Mais on va toujours garder une certaine, des humains derrière pour soit valider, soit connaître le métier. Mais l'idée, c'est quand même d'en avoir moins des humains derrière. Le logiciel va permettre effectivement d'enlever des ETP. C'est quoi des ETP ? Des emplois temps plein. Optimiser en fait les processus, permettre de réduire les coûts de certains services. Régis Dos Santos, des plans de fermeture d'agences sont à l'œuvre dans les banques françaises. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux de ces fermetures ? Oui, alors un état des lieux, c'est un peu compliqué parce que tous les établissements ne sont pas au même niveau. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, à aujourd'hui, l'essentiel du secteur bancaire prévoit de fermer à peu près 20% du réseau. C'est vrai chez BNP, c'est vrai à la Société Générale, c'est vrai dans le groupe BPCE. Donc on peut estimer que dans les mois qui viennent, environ 20% du réseau va fermer. Comment est-ce qu'on explique ces fermetures d'agences ? On l'explique très simplement par au moins deux choses. D'abord, il y a la montée en puissance du digital. Et ensuite, par conséquent, c'est la baisse de fréquentation par les clients. Vous pouvez réaliser depuis chez vous, voire même depuis votre bureau ou dans la rue, l'essentiel des opérations basiques de banque. Donc il y a une évolution dans la manière de consommer la banque de la part de nos clients. Et donc, en toute logique, il faut en tenir compte et adapter le réseau à une taille nouvelle qui corresponde aux attentes nouvelles de nos clients. 20% d'agences en moins, on parle de quelle temporalité ? Ça a commencé quand, ce phénomène ? Alors, ce qui est sûr pour l'instant, c'est que ça a démarré il y a quelques mois. Au démarrage, c'était des opérations très ponctuelles. On nous disait, telle agence, finalement, n'est pas rentable, donc on va la fermer, mais c'est un événement local, c'est une situation locale très particulière. Et puis, devant notre insistance à avoir un peu plus d'informations, on a commencé à nous révéler ces fameux plans d'adaptation du dimensionnement du réseau. Ça provoque des interrogations auprès de nos collègues qui s'interrogent sur « je vais devenir quoi ? Est-ce qu'il y aura toujours des agences bancaires ? Est-ce qu'il y aura toujours des salariés dans les banques ? Ou est-ce que tout va être automatisé ? Est-ce que j'ai le niveau pour évoluer dans l'entreprise et devenir demain un nouveau salarié de la nouvelle banque ? Est-ce que les fintech, toutes ces start-up qui se développent et qui sont en train de venir gratter le chiffre d'affaires et le résultat des banques ne vont pas demain faire disparaître toute une série d'établissements bancaires ? C'est toutes ces questions-là que se posent les gens. Alors depuis quelques mois, ça y est, on voit que le système bancaire a commencé à prendre la dimension de la problématique, et on les voit racheter les uns des start-up qui font des cagnottes, les autres des moyens de paiement. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus un groupe bancaire qui n'ait pas racheté, soit créé, soit racheté sa banque en ligne. Il n'y a pas une banque en ligne qui soit aujourd'hui indépendante. Elles ont toutes été rachetées. On le voit avec les systèmes des cagnottes, par exemple, toutes ces sociétés, voilà, Litchi et autres. Toutes ces boîtes-là se font racheter progressivement par des grands groupes bancaires parce qu'ils voient bien que ce sont des choses où on peut faire de la marge, puisque l'opération n'est pas très complexe, hein, et on prélève des frais au passage. Et puis ça évite, ça évite que ces gens-là ne continuent à prospérer, à se développer, en nous privant d'une partie du chiffre d'affaires que l'on peut faire, quoi. Demain, j'ai placé quelques thunes pour un petit jardin, un petit nid et balcon sur la prairie des filtres avec piscine au bord de la Garonne. Si, j'insiste. Mais ce putain de bonheur n'est jamais dans le pré. J'ai appelé le bon sens près de chez vous pour un prêt. Mais les banques, c'est les banques. Comment vous dire, les mots me manquent. Alors je vous fais le topo des grosses têtes. Il vous manque des points pour compléter votre retraite. Vous devriez, me semble-t-il, pour assurer les traites, mettre à jour et un terme à l'ensemble de vos dettes. Et puis il a souri en me disant c'est terrible, mais je crois que ça va pas être possible. Je crois que ça va pas être possible, non. Pas être possible. Désolé. Je crois que ça va pas être possible, non. Pas être possible. Non, pas possible. Je crois que ça va pas être possible, non. Pas être non, possible. Pas possible. Je crois que ça va pas être possible, non, pas être non, possible. Je m'appelle Arthur Vaillant et je suis conseiller en finance éthique à la NEF. J'ai accompagné la fabrique. Pas à ses débuts, mais presque, du coup. Donc l'entreprise dans laquelle on est, là, maintenant. Bonjour. Bonjour. Donc c'est vous le gérant? Alors je suis co-gérant. Voilà, nous sommes deux gérants à la fabrique. Je m'appelle Fabrice Poncet, et je suis co-gérant de la fabrique, avec mon associé, donc Nicolas Autric, qui est ébéniste. Qu'est-ce qu'on y fabrique? Alors ici, on fabrique des meubles. Voilà, des meubles sur mesure, puisqu'on est dans une fabrication plutôt de pièces uniques, un peu particulière, un peu technique, parce qu'on a un bureau d'études d'assez bon niveau. Ensuite, on avait dit 170 plus 20, 190 en bas. La NEF, en fait, est une coopérative de finances solidaires qui existe depuis 1988, qui finance exclusivement au départ des projets dans le domaine environnemental, social et culturel, donc des projets avec un vrai modèle économique, mais du coup dont ces dimensions éthiques-là sont fortes. Donc historiquement, on a beaucoup financé des activités dans le domaine de la bio, notamment de l'agriculture bio, de la distribution aussi, le secteur de l'économie sociale et solidaire et des énergies renouvelables. Disons que nous, on est allé trouver la NEF parce qu'on pense que le changement dans le monde, il procède de choses qu'on fait au quotidien chacun. Voilà. La manière dont chacun s'achète des habits, consomme, se déplace, etc. Quand on a une entreprise, eh ben, on dépense beaucoup plus d'argent. On a presque 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on a presque 2 millions d'euros de dépenses, et donc on a un effet de levier qui est plus important. Voilà. Et nous, ça nous intéressait d'aller vers la NEF pour le principe de base qui est que la NEF ne prête que l'argent qu'elle a. Elle ne va pas aller chercher de l'argent à des taux négatifs sur les marchés, des trucs que je ne comprends pas. Et je sais qu'il y a des épargnants qui prêtent à la NEF parce qu'ils veulent financer une économie réelle, proche de chez eux, et qui a du sens. Voilà. Ensuite, on a toujours notre banque traditionnelle, hein, historique, qui est la Banque Populaire. On a travaillé avec eux depuis le début. On a été bien accueillis et bien conseillés. Maintenant, ce qu'on trouve à la NEF d'un petit peu différent, c'est qu'on est vraiment dans une logique de conseil et de bienveillance. Et puis, on trouve aussi, parfois, dans d'autres banques, des pratiques qui sont pas malhonnêtes, mais qui sont de confort, j'allais dire. C'est-à-dire que tant qu'on ne demande pas quelque chose, on ne va pas avoir mieux. Voilà. On peut avoir une situation, une autorisation de découvert qui est faible, avec un taux qui est très élevé, Et tant qu'on s'en occupe pas, notre banquier, il va pas nous dire, vous savez, en fait, maintenant que vous êtes plus gros, vous pouvez avoir une beaucoup plus grosse autorisation de découvert à un taux beaucoup plus faible. Et donc, si on le demande pas, on l'a pas. Là, il y a quelque chose où on voit que notre banquier, il se soucie pas en profondeur de chercher le meilleur intérêt de la fabrique, quoi. Là, ici, on a Vincent et Nabil, et également Audrey qui est tout au fond. Ils sont en train de travailler sur des projets pour la SNCF. On fait beaucoup d'aménagements pour les gares en ce moment. En fait, on aménage des espaces à vivre dans les gares. Ça peut être des espaces pour les enfants, ça peut être des tables de coworking. Voilà. Est-ce que si la fabrique, donc, qui est une usine, une menuiserie, une ébénisterie, ne faisait pas de l'insertion, est-ce que la nef, est-ce que vous auriez prêté de l'argent à la fabrique? C'est très clairement effectivement le projet global de la fabrique qui fait que la nef est intervenue sur ce projet-là. Je pense qu'effectivement une menuiserie classique qui n'a pas forcément de démarche à la fois sociale, environnementale et aussi de gestion participative n'aurait pas forcément retenu notre attention comme l'a fait la fabrique. Et vous, Arthur, est-ce que vous avez une expérience dans la banque traditionnelle ou est-ce que vous avez un parcours qui vous a fait arriver à la nef? J'ai pas d'expérience bancaire par ailleurs. Ce sont les valeurs de la nef qui m'ont attiré du coup dans cette coopérative où chaque décision est prise en cohérence avec les salariés, les sociétaires, une personne égale une voix, et aussi avec les différentes parties prenantes de l'entreprise que sont notamment les emprunteurs de la nef. C'est-à-dire que quand vous êtes emprunteur à la nef, vous êtes membre à part entière de la coopérative. Donc la fabrique, elle, est sociétaire aussi de la nef. Donc tout de suite, les relations, en fait, s'établissent de manière différente, je pense, que dans une banque traditionnelle. Bien sûr, quand on intervient en financement, on regarde si l'activité est éligible au regard de nos critères éthiques, mais bien sûr, on regarde la viabilité économique de l'entreprise, sa rentabilité, sa capacité à faire face à des remboursements d'emprunt. Fondamentalement, qu'est-ce qui vous sépare d'une banque traditionnelle ? On a une transparence complète sur tous les financements qui sont accordés vis-à-vis de nos épargnants. Donc chaque année, on publie l'intégralité des prêts qui sont accordés. Et donc tous les sociétaires de la nef peuvent retrouver ces prêts, le détail de ces financements, à qui on les a prêtés, pourquoi on les a prêtés. Et du coup, peuvent aussi nous interroger sur la raison pour laquelle on a prêté. Et donc ça, c'est une transparence qui n'existe nulle part ailleurs dans d'autres systèmes bancaires à l'heure actuelle. Ce qui différencie aussi peut-être la nef d'autres structures, c'est qu'on reste une structure à taille humaine, où du coup le conseiller va directement défendre le dossier auprès du comité d'engagement. Et il connaît les différents membres du comité d'engagement, il s'est rendu sur place pour aller voir le projet. Pour moi, je crois que c'est une des différences principales dans le fonctionnement et qui du coup génère énormément de choses, c'est qu'aujourd'hui, pour des raisons que j'ignore, les banquiers auxquels on a affaire, ils ont perdu le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils instruisent le dossier, puis ensuite ils l'envoient à l'analyste, et l'analyste derrière son ordinateur, il dit oui, il dit non. Et des fois, il dit non, et notre banquier, il n'est même pas capable de nous dire pourquoi il a dit non. Voilà. Et je crois que ça, c'est la différence fondamentale, au-delà de d'où vient l'argent, c'est qu'on a des personnes qui croient dans des projets, qui les défendent. Alors, ils y croient pas, mais s'ils y croient, ils les défendent, et ils peuvent convaincre du bien fondé du projet, là où ailleurs, on est uniquement sur une analyse de risque financier qui se fait uniquement avec des chiffres et des tableaux. Et je dois dire que le premier banquier qui nous a financés, il était à deux doigts de partir à la retraite. C'était un vieux banquier, il avait encore du pouvoir, il a cru en notre projet, et je pense qu'aujourd'hui, son remplaçant, il n'aurait pas ce pouvoir. Alors, on sort de l'atelier, on va à la fabrique d'en face, qui est un nouvel atelier qu'on a ouvert depuis le début du mois de septembre, donc ça fait quelques jours. On a développé une fabrication de série, c'est un programme qu'on appelle la fabrique multiple, fabrication d'objets en série, qui nous permet de faire travailler des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et on a gagné quelques gros marchés, notamment avec Bibliothèques sans frontières, pour lesquels on fabrique des médiathèques mobiles qui partent dans le monde entier, dans des camps de migrants, des camps de réfugiés. Et comme c'est un gros projet avec des gros volumes de fabrication, ça nous a amené à prendre des locaux supplémentaires. Pour parler concrètement, est-ce que vous avez auprès de la nef un taux qui est compétitif? Alors non, je trouve que la nef c'est plutôt un petit peu plus cher qu'une banque traditionnelle. Et moi je mets ça sur le compte, peut-être que je me trompe, mais je mets ça sur le compte du fait que l'argent qui nous est prêté par la nef, il est déposé par des épargnants qui veulent financer l'économie. Et la nef doit leur verser un intérêt, d'ailleurs assez faible, il me semble qu'il est en dessous du livret A ou de l'ordre du livret A, voilà. et que d'autres banques vont se financer à des taux négatifs sur les marchés, ce qui leur permet de nous prêter de l'argent encore moins cher. Nous, finalement, ce qu'on cherche dans nos achats, c'est à faire des achats de meilleure qualité. On a choisi, par exemple, de passer chez Enercoop, qui est une coopérative de production d'énergie renouvelable. On aurait pu se mettre à acheter de l'énergie moins chère chez EDF, mais on a choisi d'acheter de l'énergie de meilleure qualité. Et du coup, on fait le même choix pour notre argent. On aurait pu acheter de l'argent moins cher, mais on achète de l'argent de meilleure qualité. L'ANEF, c'est d'abord un mouvement social, c'est 40 000 sociétaires, c'est-à-dire 40 000 personnes qui possèdent cette entreprise et qui la font vivre. Bernard Orenbeck, président de l'ANEF. Et ces 40 000 sociétaires qui peuvent s'impliquer dans l'activité de la banque, dans la façon dont elle va s'orienter. La deuxième chose importante, c'est que pour l'ANEF, utiliser l'argent, ça doit se faire dans le sens de permettre de créer des liens entre des hommes qui ont, ou des femmes qui ont une épargne, et puis des hommes et des femmes qui ont des projets, et de créer dans cette position d'intermédiaire les conditions qui permettent des projets de se développer. Mais il faut que ces projets soient durables, c'est-à-dire qu'il faut que ces projets tiennent compte de l'environnement social, de l'environnement humain. Quand vous parlez de 40 000 sociétaires, ça signifie que vous avez un portefeuille de 40 000 épargnants qui peuvent soutenir les projets que décide de soutenir l'ANEF. Oui, ça veut dire 40 000 personnes qui ont décidé de rejoindre l'ANEF, qui ont placé leur argent dans des comptes à terme ou dans des livrets. C'est 40 000 personnes pour qui c'est important de savoir comment va vivre leur argent. Aujourd'hui, l'argent, il arrive, on le dépose en banque, on va le retirer, et entre les deux, on ne sait pas. On est dans une boîte noire, on ne sait pas. Et en fait, l'argent, il est une vie. Il suit un chemin. Et ce chemin, on ne le connaît pas. Or, à l'ANEF, ce qu'on veut, c'est le faire connaître. Parce que l'histoire de l'argent, elle peut être catastrophique quand elle va aller financer de l'armement, etc. Mais elle peut aussi être extrêmement intéressante. Et bien à ce moment-là, il prend un chemin qui fait que le rendement financier, finalement, il a bien peu d'importance à côté du rendement social, sociétal que l'argent apporte. Alors si aujourd'hui, moi, j'ai l'intention de développer une activité de boulangerie, est-ce que je peux emprunter de l'argent à l'ANEF ? A priori, je dirais oui. Tout dépend un petit peu, évidemment, comment vous envisagez cette boulangerie. Toutes les activités humaines sont concernées. Et la boulangerie, c'est un excellent exemple. La boulangerie, ça peut être une boulangerie industrielle avec des œufs au fipronil, comme ça peut être tout à fait au contraire, des gens qui créent une boulangerie ou qui recréent des boulangeries dans des zones rurales, qui allient les gens autour d'eux pour que ça se fasse à partir de produits sains et qui ont été cultivés dans la région, produits dans la région, mais aussi où les consommateurs eux-mêmes de la boulangerie sont associés à la création de la boulangerie. Et finalement, la boulangerie, c'est un lieu extraordinaire pour une vie sociale, parce que c'est l'endroit où tout le monde va, parce que le pain, c'est quand même un des éléments fondamentaux de notre alimentation. Et donc, à partir de quelque chose tout simple comme une boulangerie, vous pouvez recréer un univers autour de vous qui est bien meilleur que celui que d'autres nous proposent. Est-ce qu'on peut avoir une idée du volume global de prêts octroyés par l'ANEF ? Oui, mais depuis le début de l'activité, c'est 5700 prêts qui ont été accordés, ça veut dire 5700 projets qui se sont développés. Aujourd'hui, on en a 1750 qui sont encore en portefeuille, qui sont en cours de remboursement, et ça représente un volume de 350 à 400 prêts par an. En termes de montant ? Oh ben alors, on est autour de 40 millions, je pense, déjà maintenant, cette année 2017, qui est loin d'être terminée. C'est une goutte d'eau par rapport à l'activité bancaire. C'est à la fois beaucoup de projets et à la fois c'est minuscule dans l'activité bancaire française ou européenne. C'est vrai. Et je pense qu'en France, comme un peu partout en Europe, dans les années 70-80, quand on commençait à se créer des projets, c'était sans doute des projets très marginaux. Mais aujourd'hui, les entreprises changent, le monde change. Et dans cet enjeu, il y a des choix à faire entre l'ubérisation d'un côté et peut-être des systèmes qui vont être de plus en plus asservissants pour l'homme, ou bien de l'autre côté, d'aller soutenir les entrepreneurs qui, au contraire, prennent conscience que leur entreprise, elle participe aussi de l'environnement, elle participe aussi de l'environnement social. Et ça veut dire que, sans doute, aujourd'hui, la position de la finance éthique en Europe ou en France, elle est encore petite, mais elle est appelée à jouer un rôle super important. Parce qu'en fait, à travers chaque projet, c'est un certain nombre de personnes qui sont touchées directement dans leur emploi, dans la création de leur activité, leur société, dans l'entreprise, mais aussi vers les clientes, l'entreprise, vers les familles qu'il y a autour. Donc il y a un effet démultiplicateur qui, selon moi, veut dire que la finance éthique solidaire, elle est amenée à se développer de façon considérable. Et si jamais vous avez un doute, regardez les publicités des banques aujourd'hui. Les banques d'aujourd'hui veulent faire croire à tous les consommateurs qu'elles sont là à tous les moments de leur vie. Nous, nous le démontrons en donnant cette transparence sur les projets et en montrant qu'il y a un monde à construire. On ne sait pas toujours bien lequel, mais on sait par contre identifier ceux qui sont en train de le construire pour qu'il soit meilleur. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous intéressez les grands groupes traditionnels, les mastodontes de la banque, sur vos manières de faire ? Alors moi, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ça fait près de 8-9 ans que je suis vice-président et administrateur de la Fédération européenne des banques éthiques. Et un peu partout en Europe, on voit le même phénomène. C'est-à-dire que les banques traditionnelles, elles ont beau avoir une taille bien plus colossale que la nôtre, elles observent de très près ce qu'on fait. Vous connaissez une banque dont les gens peuvent dire « Moi, je suis fier d'être à cette banque. » Mais moi, à part la NEP, j'en connais pas. Et ça, les banquiers, ils le voient. Et moi, quand je vois la publicité des banques, je me dis « Oui, oui, ils le voient bien. » Est-ce que vous vous définissez comme un banquier ? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas très bien ce que c'est un banquier. Si je dois me définir comme un banquier tel qu'on en a l'image d'Épinal, j'aurais vraiment beaucoup de mal. D'autant plus que moi, à l'origine, moi, je suis un psychologue et je suis quelqu'un qui s'est impliqué dans l'action sociale, l'action politique, à partir de ma formation de psychologue, qui m'a petit à petit amené la finance. Parce que si on veut que l'action sociale puisse vivre, eh bien, il faut trouver aussi des outils financiers qui permettent d'avancer. Et c'est comme ça que j'ai fini par m'intéresser de près à la finance solidaire, à la finance éthique, et que petit à petit, je suis arrivé ici. Pour moi, le banquier, il est de par son métier, bien sûr, un homme d'argent, mais un homme d'argent qui est lié à tous les pans de la société. C'est comme ça que je suis devenu banquier, entre guillemets, et j'ai du mal à écrire le mot sans mettre les guillemets d'ailleurs autour. Vous l'aimez ce métier ? Absolument. Il y a une chose tout à fait fascinante dans ce métier, c'est que on est au cœur de toutes les activités, c'est-à-dire qu'on est à la rencontre quotidienne de toute une série de gens qui veulent inventer de nouvelles choses, qui veulent innover et qui le font dans le respect des autres. On se sent bâtisseur ? Alors, je vais être un tout petit peu nuancé, je pense que je rencontre énormément de bâtisseurs. Et alors, bien sûr, la banque, elle apporte sa contribution, son levier financier. Elle est un outil qui permet de bâtir. Voilà. Mais on est continuellement autour de bâtisseurs. Évidemment, il faut être un peu bâtisseur aussi soi-même pour construire la banque en elle-même. Mais c'est surtout parce qu'on permet, grâce à nos outils, de construire un peu partout. Je suis fébrile, à la ville tout va si vite. Je travaille à la banque et pas un jour je ne manque. Non, non, non. Je m'ennuie, écris ma détresse, car je travaille à la caisse. Yeah, yeah, yeah. Banque à guichet fermé. Une évolution du métier de banquier. C'est toujours la routine. Avec Valérie Lefebvre, Valérie Missilier, Régis Dos Santos, Yves Bernard, Bernard Orenbeck, Arthur Vaillant et Fabrice Poncet. Documentation Caroline Chausset, Valérie Ernoux, Michael Simon. Prise de son Hélène Langlois et Thomas Robin. Mixage Pascal Bénard. Bruitage Sophie Bissens. Coordination Perrine Carvan. assistée de Marivonne Abolivier. Une série documentaire de Rémi Douat, réalisée par Asia Rally. Je suis pensif, je la migraine. Toute la sainte journée, moi, je compte les billets, yeah, yeah. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter dans votre agence, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie Bonapolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, on ne prête qu'aux pauvres. Mais en attendant, restez à l'écoute.